Moi, ce que je vois là-dedans, checker bien ça ce qui s'en vient pour 2025. Parce que moi, je le vois ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'instrumentaliser l'islamisme pour déchristianiser des écoles, dans le sens ils veulent changer les noms des écoles, entre autres. Ils veulent voter des lois liées à la laïcité pour, je le sais-tu, moi, que le collège Saint-Jean-de-Brébeuf, ça s'appelle plus le même. C'est ça qu'ils veulent. Ah oui, Puis ils ben veulent ça. enlever les croix des façades des écoles, Oui. puis ils veulent refaire les façades. C'est ça qu'ils veulent. Puis ils instrumentalisent les musulmans, parce que là, il y a des pénuries de personnel, parce que nos professeurs, de toute façon, sont découragés, puis sont pas bons. C'est sûr que tu as du monde du Maghreb qui ont des bons niveaux comme profs, qui viennent, puis qui prennent les postes. Là, ils ont créé une situation où ce que tu as du monde de l'extérieur qui viennent, puis ils savent que ça va créer des problèmes, puis ils vont instrumentaliser ça, ces problèmes-là. Pourquoi? C'est nous autres, la cible. On est trop cave pour le voir.